Si tu viens là, c'est bien. Hein. Cherche pas à l'enquiller là pour les deux. Bien, bien. Allez, pareil, tu viens là. Eh, tu viens là, c'est bon. Connaissant quand je vais en direction de toi, non. Ah, si, hein. Oh, bah non, là, c'est bon. Stéphane. Si la boule reste droite à sa poche. N'importe quoi. Elle n'a pas bien joué, t'as oublié. Hein. Heureusement qu'elle sort, hein, parce que si elle sort pas, un bon bouchon. Bon, bah, elle nous donne 3 points si t'as fini là.